Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, retour sur les attentats du 11 septembre 2001. Pour tous ceux qui sont en âge de l'avoir vécu, ce qui surgit d'emblée à l'évocation de cet événement, ce sont des images. Les deux avions qui percutent les tours du World Trade Center en plein jour. Les Twin Towers qui s'écroulent l'une après l'autre. Les gens qui se jettent par la fenêtre. Manhattan englouti dans un nuage de poussière indescriptible. Et puis cette phrase, « Oh my God !» exprimant toute la sidération des New-Yorkais qui se trouvaient là, juste au pied des tours, devenus Ground Zero. Tous nous nous souvenons de ce que nous faisions à ce moment-là, car il en va de ces événements uniques. Il provoque le sentiment immédiat d'assister donc en direct à l'histoire en marche. Le 11 septembre 2001, nous en avions tous conscience devant nos téléviseurs, le monde ne serait plus jamais comme avant. Au cours du récit de ce qui reste l'événement le plus important depuis Pearl Harbor et la chute du mur de Berlin, nous remonterons le fil de cette journée, heure par heure, nous entendrons les voix des protagonistes, anonymes ou responsables politiques, victimes ou miraculés, dont les destins se sont brisés ce 11 septembre 2001. Notre invité aujourd'hui, Fabrizio Calvi, auteur du livre intitulé « 11 septembre, la contre-enquête », publié chez Fayard, et du film « Les routes de la terreur », diffusé en deux parties sur Arte en 2011. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Mézonome, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Clegg et Coy Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mardi 11 septembre 2001, aéroport de Boston. Ciel dégagé sur l'ensemble des États-Unis. Il est 7h59 lorsque le vol 11 d'American Airlines décolle en direction de Los Angeles. À bord du Boeing 767 au siège 8D en classe affaires, un homme à l'allure de jeune cadre, chemise bleue, pantalon noir, affiche un regard sombre et concentré. Il s'appelle Mohamed Atta. Né il y a 33 ans au Caire, dans une famille aisée et cultivée de la capitale égyptienne, il a fait des études d'architecture, puis il a vécu quelques années à Hambourg où il a obtenu un master d'urbanisme. C'est en Allemagne qu'il a commencé à s'intéresser à l'islam fondamentaliste et qu'il s'est radicalisé, jusqu'à se convaincre de devoir accomplir une mission, celle de martyr au nom d'Allah. Depuis un an maintenant, avec un visa de touriste, il vit aux États-Unis dans un but précis, celui pour lequel il est aujourd'hui assis sur le siège 8D du vol 11 d'American Airlines. Mohamed Atta n'est pas seul. Il est accompagné d'Abdulaziz Al-Omari au siège 8G et quelques rangées derrière eux de trois Saoudiens, Satam Al-Soukami et deux frères, Wail et Walid Al-Sheri. Pour Mohamed Atta, la première étape du plan s'est déroulée sans problème. Les cinq hommes ont franchi les portiques de sécurité et sont tous à bord. Au même moment, un autre groupe, composé de cinq hommes, avec à sa tête Marwan Al-Sheli, un Émirati de 23 ans, embarque dans le terminal voisin de l'aéroport de Boston, à bord du vol 175 de United Airlines, lui aussi à destination de Los Angeles. À quelques centaines de kilomètres, à l'aéroport de Dulles, à Washington, un troisième groupe, composé de cinq hommes, dirigé par le Saoudien Hani Hanjour, 29 ans, embarque sur le vol 77 d'American Airlines, également en direction de Los Angeles. Enfin, un dernier groupe, composé de quatre personnes, emmené par le Libanais Ziad Jarrah, s'enregistre à l'aéroport new-yorkais de Newark, sur le vol 93 de United Airlines, vers San Francisco. Ce matin du 11 septembre 2001, 19 hommes réussissent à monter à bord de quatre vols intérieurs américains. 19 hommes, acteurs d'un terrifiant complot, détournaient ces avions pour une série d'attentats suicides contre les États-Unis. À 8h10, c'est l'équipe du cerveau de l'opération Mohamed Atta qui passe la première à l'attaque. Les cinq hommes se lèvent, calmement. Sans prononcer un mot, ils ouvrent les coffres à bagages, se saisissent de leurs sacs, sortent de gros cutters. Alors, la mécanique macabre s'enclenche. L'un des hommes saisit un membre de l'équipage et l'égorge. Un autre, qui porte un ceinturon cerclé de petites boîtes rouges, menace les passagers de faire sauter une bombe. Les gestes sont précis. Les hommes se sont entraînés pendant des mois, quelques années auparavant, dans un camp en Afghanistan. Mohamed Atta et Al-Omari foncent vers le cockpit et ordonnent au pilote de quitter son siège. Refus. Les terroristes poignardent un autre membre de l'équipage. Alors, les pilotes s'exécutent. En à peine quelques minutes, Mohamed Atta se retrouve aux commandes du Boeing. Là, il met en pratique les cours qu'il a pris dans une école de pilotage américaine quelques mois plus tôt. Il coupe le transpondeur qui relie les communications à la tour de contrôle et fait demi-tour, direction New York. Betty Hong, une hôtesse de l'air, se saisit d'un téléphone de bord et avertit le centre d'American Airlines. L'avion est détourné. Pendant 25 minutes, elle dit ce qu'elle voit, le drame qui se noue dans cet avion qui descend de plus en plus. Mais à 8h46, ce 11 septembre 2001, la communication avec le vol 11 d'American Airlines se coupe. On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York. Nous sommes en ligne avec Laurent Simon à Washington. Vous avez de plus en plus d'informations, Laurent, sur cet accident? Non, ça vient de tomber, on n'en sait pas beaucoup plus. Les témoins sur place sont excessivement peu nombreux. On sait que c'était effectivement une des tours du World Trade Center qui est touchée. Il y a de la fumée qui s'échappe des étages supérieurs de la tour. Ce qui est étrange, c'est que c'est pas normalement un couloir aérien, c'est pas là que passent les avions. Merci Laurence, donc nous reviendrons bien évidemment sur cette information dans nos prochains flashs d'infos. Je vous rappelle donc qu'un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York. Il est 8h46 à New York ce matin du 11 septembre 2001 quand Jules Naudet, un jeune réalisateur français, tourne une séquence de son documentaire. Depuis 3 mois, il suit la vie d'une caserne de pompiers du sud de Manhattan. À cet instant précis, il filme le capitaine Joseph W. Pfeiffer dans la rue en train d'effectuer une opération de routine. D'un coup, un bruit assourdissant d'avion se fait entendre au-dessus de leur tête. Alors instinctivement, le jeune réalisateur lève sa caméra et enregistre l'une des rares images du Boeing 767 qui s'encastre à pleine vitesse dans la tour nord du World Trade Center entre les étages 94 et 98. Le capitaine Pfeiffer comprend tout de suite. Ce qui vient de se passer est terrible. Il s'engouffre dans son camion et fonce donner l'alerte. Et les questions fusent. Comment expliquer que le pilote n'ait pas cherché à éviter l'immeuble? Il n'y a pourtant aucun problème de visibilité. Pour Pfeiffer, on dirait que l'avion visait volontairement la tour. Alors, il pourrait s'agir d'une attaque. Il le sait, quelques années auparavant, en février 93, les Twin Towers, les deux plus hauts gratte-ciels de New York, ces monstres d'architecture de 415 mètres de hauteur, véritable symbole de la puissance économique américaine, ont été l'objet d'une attaque terroriste. Une bombe a explosé dans un parking, faisant 6 morts et 1000 blessés. Alors, serait-ce de nouveau un attentat ici même? Pour le moment, Joseph Pfeiffer et ses hommes n'ont pas le temps de répondre à ces questions parce qu'il faut faire vite. Quelques minutes après l'impact, ils arrivent au pied des tours, bientôt rejoints par 3 autres unités et des policiers. La situation est catastrophique. Des gens sortent de l'immeuble de tous les côtés, certains sont gravement brûlés. Le kérosène de l'avion a provoqué un énorme incendie à l'intérieur de l'immeuble. Le hall est noir et enfumé. Les ascenseurs sont en panne. Plus haut dans les étages, à l'intérieur des tours, des milliers de personnes prisonnières des flammes appellent sur les standards de la police et des pompiers ou laissent des messages à leurs proches. L'étage est complètement envahi de fumée. On est par terre et on n'arrive plus à respirer. Il fait très très très chaud. Je vais mourir, c'est ça? Je vais mourir. S'il vous plaît, mon Dieu. Vous êtes où les gars? Vous êtes à quel étage? J'ai 2 jeunes enfants. Allez vite, je peux à peine respirer. Je vois plus rien. C'est vraiment pas bon. Il fait noir, c'est irrespirable. Nous sommes encore jeunes. Nous ne sommes pas prêts à mourir. Sean, c'est moi. Je voulais te dire que je t'aime et que je suis bloquée dans cet immeuble à New York. Il y a beaucoup de fumée et je voulais seulement te dire que je t'aime pour toujours. Toutes les télés américaines retransmettent les images de la tour nord en flammes. Sur Times Square, le flot continu des passants s'arrête, suspendu, pour regarder. Mais que s'est-il passé ? Peu de monde a vu l'avion percuter la tour. Alors quoi? Un incendie? Un accident? Mais très vite, la stupeur laisse place à l'effroi devant une scène horrible. Des hommes et des femmes, à intervalles réguliers, se jettent de la tour. Oui, ils se défenestrent à cause du feu, de la chaleur, de la fumée, et ils s'écrasent au pied du World Trade Center. De la fenêtre de son bureau au 47e étage de la tour Nord, un Français, Bruno Dellinger, a entendu le vrombissement des réacteurs, l'impact qui a ébranlé tout l'immeuble. Pourtant, il met du temps à réaliser. Il prend quelques minutes pour faire des sauvegardes sur son ordinateur et se décide enfin à évacuer. Dans le couloir enfumé, c'est le chaos. Une partie du faux plafond jonche le sol, des conduits ont explosé, les ascenseurs sont bloqués. Avec d'autres employés, il prend la direction de l'escalier central. Et là, la chaleur est étouffante. Mais tant bien que mal, il descend les étages. Cela fait près de 20 minutes que l'avion s'est écrasé. Pendant qu'ils descendent, les employés croisent les pompiers, dont les hommes de Joseph Pfeiffer, qui montent péniblement pour atteindre le feu et porter secours aux personnes bloquées. Les destins, tragiquement, se croisent. Les uns fuient vers la vie, les autres s'enfoncent vers la mort, car ils ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur. Quant à 9h03, ce 11 septembre 2001, un deuxième avion percute la seconde Twin Towers. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, en plein jour, à 9h15 heure américaine. Les tours sont en feu. Pendant ce temps, à Sarasota, petite ville de Floride, il est 9h07, ce 11 septembre 2001, sur l'horloge de la salle de classe de l'école Emma Booker, quand Andy Card, le directeur de cabinet du président des États-Unis, George Bush, passe devant les photographes, se penche vers son patron qui participe à un cours de lecture et lui dit à l'oreille « Un autre avion vient de percuter la deuxième tour du World Trade Center. L'Amérique est attaquée. » Le président reste impassible. À quoi pense-t-il à cet instant précis, celui qui a été élu 9 mois plus tôt, dans des conditions houleuses, après décompte et recompte de voix de l'État de Floride, un too close to call éprouvant pour tout le monde? On ne sait pas. Mais surtout, pas de geste brusque, aucun signe de panique. Mais ce terrible sentiment d'impuissance. Le monde entier a vu en direct les images du deuxième avion, et lui, le président, ne voit rien. Avant d'entrer dans la salle de classe, on l'a prévenu qu'un avion s'était écrasé sur la tour Nord. Mais un accident, pensait-on. Après 7 minutes interminables, la leçon s'achève. George Bush se lève, remercie les enfants et sort de la classe. Une cellule de communication est mise en place dans l'école. Le président découvre enfin les images et se met en contact avec les principaux responsables du pays, Dick Cheney, le vice-président, Robert Mueller, le directeur du FBI, et Rudolph Giuliani, le maire de New York. Il comprend qu'il s'agit de deux avions détournés et qu'on est sans nouvelles d'un troisième. Il comprend surtout que c'est un chaos terrible qui frappe le cœur du pays. Alors, il faut s'adresser au plus vite à la nation. À 9h30, de la bibliothèque de l'école Emma Booker à Sarasota, en Floride, George Bush prend la parole. Aujourd'hui, nous avons une tragédie. Deux avions se sont écrasés sur le World Trade Center dans apparemment un attentat terroriste. Et j'ai ordonné des recherches, l'aide des victimes, de leurs familles, et de faire une enquête à grande échelle pour trouver ceux qui ont commis cet acte. Le terrorisme contre notre nation ne réussira pas. Maintenant, je vous demande de me joindre dans un moment de silence. Que Dieu bénisse les victimes. Merci. Dans la foulée du discours, le cortège présidentiel fonce en direction de l'aéroport. Pour le service en charge de la sécurité du président, la question est cruciale. Il faut mettre le patron à l'abri. On ne sait pas s'il y a d'autres avions, d'autres cibles prévues. C'est le flou complet. Et les informations qui tombent les unes après les autres ne cessent d'augmenter la tension. À 9h32, les services de sécurité de George Bush reçoivent un appel du terminal de l'aéroport de Dulles à Washington. Ils viennent de repérer le signal du vol 77 d'American Airlines, disparu depuis plusieurs minutes. Et il se trouve que l'appareil se dirige à pleine vitesse vers l'espace aérien restreint P-56, celui de Washington et de la Maison-Blanche. Comment répliquer ? Que fait la défense américaine ? Après la perte du signal des deux premiers Boeing, différents postes de commandement militaires font décoller des avions de chasse. Depuis près d'une heure, deux F-15 sont au-dessus de New York et deux F-16 au-dessus de l'océan. Ils sont en position de combat, mais perdus dans les airs, ils ne savent pas qui est l'ennemi, ni où il est, vu que les transpondeurs des appareils sont éteints. Il est donc très difficile de les repérer. Dès qu'un avion détourné est enfin identifié, les chasseurs sont trop loin. Et à 9h38, une fois encore, il est trop tard, quand le troisième avion, le Boeing d'American Airlines, atteint sa cible. Alors, voilà, dernière minute, ces images sont celles du Pentagone. Donc nous ne sommes plus à New York, nous sommes à Washington et c'est le Pentagone, c'est-à-dire le siège, le ministère de la Défense, le siège des armées américaines qui est en feu. Autrement dit, il y a bien eu une nouvelle explosion, il y a bien eu un nouvel attentat devant le Pentagone, ce qui explique l'évacuation de l'immeuble. On change de catégorie, si vous me permettez l'expression, une cible civile avec les Twin Towers à New York, qui est à quelques centaines de kilomètres de là, une cible militaire incroyable, le Pentagone, le siège des armées américaines, est en feu, il a été évacué. À New York et Washington, la panique est totale. On suspend le trafic aérien sur l'ensemble du territoire, une première dans l'histoire. Des milliers d'avions doivent atterrir en urgence. Les vols internationaux sont déroutés vers le Canada. À Washington, les principaux bâtiments, le Capitole, le Pentagone et les ministères sont évacués. Le vice-président Dick Cheney et d'autres hauts responsables se réfugient dans un bunker sous la Maison-Blanche, elle aussi évacuée. À 9h54, George Bush décolle à bord d'Air Force One sans destination précise. Les airs pour seul refuge, la solitude du pouvoir comme seule réponse. Et dire qu'on apprend au même moment qu'un quatrième avion serait aussi détourné. Ce 11 septembre 2001, sur les écrans du monde entier, les images du Pentagone et les tours du World Trade Center en feu renvoient une impression de chaos, de terreur, de guerre. New York, 9h54. Au cœur de Manhattan, depuis une heure et la double attaque sur les tours jumelles du World Trade Center, c'est le choc et l'urgence. Et on retrouve le capitaine des pompiers Joseph Pfeiffer. Depuis son QG de fortune au pied des Twin Towers, il est en contact avec ses hommes qu'il a envoyés dans les tours sud et nord pour tenter d'évacuer les étages. En bas, ils essayent tant bien que mal d'organiser les secours. Des centaines de volontaires, pompiers, policiers, médecins de repos ou à la retraite apportent immédiatement leur aide. Mais à 9h58, l'inimaginable se produit. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. Et ce qui est le plus impressionnant, ce sont les images que nous avons de New York. La seconde tour, l'une des deux du World Trade Center, puisque ce sont des tours jumelles, s'est effondrée sous l'impact de l'explosion. Et tout ce quartier de Manhattan, donc ce qu'on appelle le downtown près de la bourse de New York, est envahi par une immense fumée noire avec des débris partout. C'est un spectacle d'horreur. Thierry, je vous arrête. Je crois qu'à New York, une des tours s'est effondrée, en tout cas un bâtiment... Sans doute l'une des tours. On a du mal à distinguer pour l'instant. Il y a beaucoup de fumée. Le plan s'élargit. On va peut-être comprendre ce qui se passe. Ouais. Une des tours du World Trade Center s'est effondrée. Au cœur de l'immense masse monstrueuse de débris et de poussière qui envahit la rue Joseph Pfeiffer ne comprend pas ce qui se déroule. Comment la tour sud a-t-elle pu s'effondrer d'un coup ? 415 mètres de verre et d'acier qui s'effondrent en quelques secondes. Il pense à ces hommes qui montaient les étages, envoyés vers la mort. Il pense à ceux qui sont encore dans la tour nord. Alors il lance un message d'alerte sur la radio et dit tout simplement « Évacuez l'immeuble ». Quelques mètres de là, Bruno Delinger, le jeune patron français dont le bureau était au 47e étage de la tour nord, réussit au bout de 50 minutes à atteindre le hall du World Trade Center. Il est à quelques centaines de mètres des tours quand il voit le nuage de poussière de la taille d'un immeuble de 40 étages arriver à pleine vitesse sur lui. Il parvient à se protéger derrière des piliers. Il saisit un petit mouchoir pour respirer. Le nuage frappe. D'un coup, il fait nuit. On ne voit plus rien à 50 centimètres. Là, à 10h, en plein Manhattan, Bruno Delinger, comme des milliers de New Yorkais, est plongé dans un cauchemar de poussière. Il ne peut presque plus respirer. Quand un homme, réfugié à l'intérieur d'une banque, l'appelle, alors il entre et peut respirer de l'air pur, enfin. Après, je suis resté dans cette succursale donc pendant une bonne heure. Et ensuite, je suis sorti et c'était la dévastation. La dévastation totale. Au-delà du choc de ces images, c'est de voir les services de secours qu'on a croisés à la descente et qui, eux, montaient et qui sont restés dans cet immeuble. Je me suis retrouvé coincé dans les escaliers avec un autre type. J'ai été blessé à l'épaule et au bras. Et ensuite, on a couru. Je ne sais pas, ça a explosé, tout s'est écroulé. Je suis vivant, j'espère aussi que ma femme est vivante. On était 82 dans mon bureau. Nous avons vu une grosse explosion. Tout est devenu soudain très noir. Il y a eu des débris de verre qui tombaient de partout. Les gens étaient blessés. C'était une grosse explosion, tout était noir, comme un nuage de cendre, comme de la neige. Mais vous voyez, ce n'est pas de la neige. C'était un terrible cauchemar. Au même moment, à plusieurs milliers de kilomètres, dans le ciel de la Pennsylvanie, vers Pittsburgh, Todd Beam, un Américain de 32 ans, père de deux enfants et dont la femme attend un troisième, se saisit du téléphone de bord à côté du siège derrière lequel il s'est caché. Il appelle une opératrice. Lisa Jefferson décroche. Todd lui explique qu'il est l'un des passagers du vol 93 de United Airlines à destination de San Francisco. L'avion a décollé de l'aéroport de Newark à 8h42 avec près de 40 minutes de retard. Il fait un bilan précis de la situation à l'intérieur de l'avion. 4 terroristes ont attaqué et pris possession du poste de pilotage. Lisa comprend immédiatement. Ça se confirme, il y a bien un 4e avion détourné. Plus tôt, la tour de contrôle avait réussi à intercepter un message émis depuis la cabine de l'appareil par l'un des pirates. L'homme s'était trompé de micro. Alors on l'entendait menacer les passagers, il leur disait qu'une bombe était à bord et qu'il faisait demi-tour direction Washington avec pour cible le Capitole. À l'intérieur de l'appareil, plusieurs passagers sont en contact depuis une demi-heure avec leurs proches. Todd Beamer et les autres otages comprennent. Ils se dirigent eux aussi tout droit vers la mort. Todd explique à Eliza Jefferson au téléphone que les passagers ont voté et qu'ils ont décidé de passer à l'attaque. Oui, ils vont tenter de neutraliser les terroristes et de les déloger des commandes. Il fait promettre à Eliza d'appeler sa femme et de lui dire qu'il l'aime. Il pose le téléphone à côté de lui, sans raccrocher. Donc Eliza peut entendre Todd Beamer dire aux autres « Vous êtes prêts ? Allez, on y va !» Les passagers qui foncent vers le cockpit, les coups, les cris. À 10h03, ce 11 septembre 2001, Eliza Jefferson n'entend plus que le silence et la mort. Je vous interromps pour vous donner cette information qui nous provient de l'agence France Presse. Un Boeing 747 assurant la liaison Chicago-New York s'est écrasé dans l'ouest de la Pennsylvanie entre New York et Washington. À plusieurs centaines de kilomètres de là, à New York, la ville est plongée dans une atmosphère apocalyptique. On voit des hommes et des femmes recouverts de poussière grise sortir du nuage qui envahit les rues de Manhattan. Tous ont l'air perdus, le visage apeuré. Sur les ponts qui relient l'île au reste de la ville, on assiste à de véritables scènes d'exode. Par milliers, des gens fuient le cœur de New York. D'autant qu'à 10h28, 30 minutes après la première, la tour sud du World Trade Center s'effondre à son tour. Alors, on voit que la deuxième tour du World Trade Center est en train d'imploser. Elle s'est effondrée sur elle-même. Elle est en train, à son tour, comme elle avait fait l'autre tour un peu plus tôt, elle s'est écroulée. Toute la zone avait été évacuée par la police. On peut donc imaginer que on a limité les pertes du côté de New York. Mais spectacle inimaginable, incroyable. Les deux tours du World Trade Center sont maintenant à terre, au sol, terrassé par ce double attentat à l'avion suicide. En quelques secondes, la tour s'est effondrée. Je crois qu'il faut, regarder l'image, là. Il faut rester fixé sur l'image. C'est impensable ce qu'on est en train de voir. C'est pas croyable. C'est la vérité, mais c'est pas croyable. Regardez ce que nous voyons. Le cœur de New York, sous la fumée, sous la poussière. C'est inimaginable ce qui est en train de se dérouler. C'est impensable. 102 minutes, c'est le temps qui sépare la première des quatre attaques de l'effondrement de la deuxième tour. 102 minutes, 1h40, pour plonger l'hyperpuissance américaine dans le chaos. Le monde entier a les yeux rivés sur cette scène terrifiante. En à peine 2 heures, Manhattan vient de voir ses deux plus hauts gratte-ciels disparaître dans un nuage de poussière et de mort. Un sentiment de panique se diffuse alors dans le monde entier. Partout on lance des plans de sécurité. Est-ce que Paris, Rome, Tokyo, Moscou vont être touchés à leur tour? Les chefs d'État se relaient pour apporter leur soutien et rassurer leur population. En France, Jacques Chirac prend la parole. C'est en effet avec une immense émotion que la France vient d'apprendre ces attentats monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, qui viennent de frapper les États-Unis d'Amérique. Et dans ces circonstances effroyables, le peuple français, je tiens à le dire ici, tout entier, est aux côtés du peuple américain. Il lui exprime son amitié et sa solidarité. Dans cette tragédie, j'assure naturellement le président George Bush de mon soutien total. La France, vous le savez, a toujours condamné et condamne sans réserve le terrorisme et considère qu'il faut lutter contre le terrorisme par tous les moyens. Dans l'avion Air Force One, George Bush assiste toujours impuissant à l'événement le plus tragique de l'histoire de son pays depuis le bombardement de Pearl Harbor. Après avoir erré dans le ciel, il atterrit en Louisiane et gagne la base militaire de Barksdale. À midi et demi, il enregistre un discours qui est diffusé 30 minutes plus tard sur toutes les chaînes du pays. Cette deuxième déclaration du président, cette journée tragique, essaie de rassurer les Américains. À ce moment précis, toutes les autorités du pays sont sur le pied de guerre. Petit à petit, les responsables militaires et de la sécurité intérieure se mettent en ordre de marche. George Bush promet également de punir les responsables, bien sûr. Mais qui sont-ils? Qui a osé commettre de tels actes? Le président va devoir attendre. Mais son service de sécurité réalise de nouveau qu'il ne peut pas en rester là. En tout cas, pas rester en Louisiane, c'est trop dangereux. Il ne peut pas non plus retourner à Washington, ce que le président désire pourtant. Mais non, non, non, trop risqué. On opte alors pour une autre base militaire, dans le Nebraska, où George Bush atterrit à 15h-10. 40 minutes plus tard, il tient sa première vidéoconférence dans le cadre du Conseil de sécurité. Bush retrouve son vice-président Dick Cheney, Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, Robert Mueller, le patron du FBI, et George Tenet, le patron de la CIA. « Nous sommes en guerre contre le terrorisme, c'est notre nouvelle priorité », déclare le président. George Tenet prend la parole. Pour lui, c'est sûr, il s'agit de Ben Laden et de l'organisation terroriste Al-Qaïda. La forme de l'attaque, d'abord spectaculaire, multiple, concertée, dans un court espace-temps. D'ailleurs, quelques heures plus tôt, la NSA avait intercepté une conversation téléphonique entre un proche d'Oussama Ben Laden en Afghanistan et un interlocuteur en Géorgie qui faisait référence aux attentats. George Tenet poursuit. Ses services ont établi un lien entre l'un des pirates de l'avion et les auteurs de l'attentat contre un navire américain un an auparavant, dont Al-Qaïda était responsable. Au fur et à mesure de l'exposé, George Tenet doit admettre que la CIA et le FBI avaient collecté de nombreuses informations dans les derniers mois sur un projet d'attaque contre les États-Unis. Mais il y a eu des failles de communication, de surveillance, de transmission entre les services. À peu près dans le même temps, la suspicion autour de Ben Laden et d'Al-Qaïda est évoquée dans les médias. Les menaces répétées depuis plusieurs années du millionnaire saoudien contre les États-Unis le désignent en effet comme le commanditaire. Pourtant, plusieurs heures après l'attaque, personne ne revendique l'attentat. Finalement, à 19h, Air Force One atterrit à Washington. Après plus de 10 heures d'errance à travers les États-Unis, George Bush peut donc regagner la Maison Blanche. À Washington et à New York, les opérations de secours se mettent en place. L'effondrement un peu plus tôt d'un troisième immeuble, après la destruction des Twin Towers, témoigne d'une situation encore fragile. Les Américains et le monde entier s'en rendent compte. À l'issue de cette journée, plus rien ne sera comme avant. Le 11 septembre 2001, c'est la fin d'un monde. Tous le savent, il va falloir du temps pour reconstruire la ville et panser les plaies ouvertes de ce 11 septembre 2001. Il va falloir répliquer aussi. George Bush ne dit pas autre chose à 20h30 lorsqu'il s'adresse une dernière fois à la nation en ce jour tragique. Ces actions ne peuvent pas briser l'acier de la résolution américaine. L'Amérique a été visée parce que nous sommes le phare de la liberté. Et personne n'empêchera la lumière de la liberté de briller. J'ai ordonné à nos agents de trouver ceux qui sont responsables et de les présenter devant la justice. Nous ne ferons pas de distinction entre les terroristes qui ont commis ces actions et ceux qui les protègent. C'est un jour où toute l'Amérique est résolue pour la justice et la paix. L'Amérique s'est heurté à d'autres ennemis avant, et nous allons le faire encore cette fois-ci. Personne n'oubliera ce jour, et nous devons nous battre pour défendre la liberté et tout ce qui est bien et juste dans notre monde. Merci. Le 11 septembre 2001, 2819 personnes sont mortes dans les attentats à New York, 189 au Pentagone, à Washington, et 45 dans l'avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Les survivants, comme le capitaine des pompiers Joseph Pfeiffer ou le jeune patron français Bruno Dillinger, devront vivre avec le souvenir de cette journée noire. Avec le souvenir aussi de ceux qui se sont sacrifiés, héros anonymes, comme Todd Beamer ou les pompiers de l'équipe de Joseph Pfeiffer. Au World Trade Center, il y a désormais un lieu à l'endroit des deux tours dont la reconstruction est entamée, certes, mais ce lieu s'appelle toujours Ground Zero, le lieu de la désolation. School. scared of these cops. My credit is shot, end up dead in the box. Right until my life ain't as pathetic as pox. A waste of the talent, the same, my boys are just nowhere. Placed on the planet for main and poisonous warfare. Derelict terrorists in the airship, arrogant apparent to punish people by their heritage. NATO marriage, hate embarrassed, there is no faith to cherish. And improve face to face with race awareness. Erase the sheriffs to army bombing, your God is with you. Calm over war, we gotta start a pistol. Cause if you right and know you right, then where's your righteous ways? We sacrifice, snatch a life, many nights and days. Follow me into equality, we might behave. And only Christ can save the trifle when we unite again. America's home, without a f***ing care in my dome. Bearing my bones, I'm far away, staring at home. Stay in my zone, falling asleep, lay with my chrome. Fahrenheit from these rockets, burning like straightening combs. Stay in the streets, f***ing praying for beef. This air's peace for Christmas, give a ish to my niece. Real niggas, fearless and fearless, gorillas beat on their chest when dangerous near us. I hope that you hear it, the spirit of bugs is still in me. God bless it, the Trinity, cause my bullets, they come in threes like trilogies. Put the knife away, missiles always strike and blaze. So much smoke, you can't tell the difference of night and day. Right away, blow your life away, so light your haze. Hold tight grenades, and when it blows, I'm slightly crazed. Canava might be crazed, unleashing unlikely rage. The next time you hear a verse from me, I might be caged. A black hawk, take it on them balks. Watch my body hit the chalk. I'm too lazy, got me crazy. This old lady, while the beat was having a baby. And I ain't never going home, bizarre too far gone. This cone got me deciphering right from wrong. As I sit in my seat and remain calm, close my eyes and wait for the bomb. I'm getting the f*** gone, I'm aggravated. I know I make it, I'm in a place full of hatred. Treating my life like a sacred. Try to check me out, you're connect. Just respect me, you'll get injected. It's hectic when some f*** happen. We at least expect it, but we just won't accept it, nigga. I go ahead and let my f*** get rid of it. Pay you a visit, then get your f*** lit. I'm a nitwit with a big f*** and big f***. I don't miss, I hit R. Whoever that did this, we gon' get y'all. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui le 11 septembre 2001. Notre invité Fabrizio Calvi, auteur du livre 11 septembre, la contre-enquête, publié chez Fayard, et du film Les Routes de la Terreur, diffusé lui en deux parties sur Arte en 2011. Bonjour Fabrizio Calvi. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis les studios de la RTS à Lausanne. Vous êtes journaliste, donc écrivain et cinéaste. Je viens de rappeler la contribution que vous avez apportée à notre savoir sur le 11 septembre à travers votre livre et votre documentaire. Je voudrais vous poser une question toute simple qu'on pose à tous les interlocuteurs avec qui l'on parle du 11 septembre 2001. Que faisiez-vous ce jour-là? Quel est votre souvenir précis? Ah ben ce jour-là, je revenais de Suisse, j'étais dans le bus, et puis dans le train, on commençait un petit peu à discuter, et on parlait d'avions qui s'étaient écrasés, mais on savait pas trop où. On parlait d'avions qui s'étaient écrasés en Israël, tout ça était un petit peu flou, mais c'est comme pour l'assassinat, enfin pour la génération Kennedy, comme pour l'assassinat de Kennedy, vous avez raison de souligner, chacun sait exactement où il était et ce qu'il faisait à ce moment-là. Alors, il y a la sidération, difficile de raisonner dans le choc, l'hyper-émotivité et la sidération. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit d'un point de vue plus cérébral, dirais-je, quand vous avez appris la nouvelle? Ah ben, je me suis dit ce que tout le monde, enfin, ce que beaucoup de gens se sont dit, je me suis dit Ben Laden. Tout le monde a pensé systématiquement à Ben Laden. Je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui travaillait un petit peu sur ces histoires, sur les histoires de renseignement, sur les histoires de terrorisme. Et encore, je travaillais pas beaucoup sur Al-Qaïda à ce moment-là. Mais tout le monde a pensé Ben Laden parce que ça arrivait déjà. Il y a eu d'autres attentats. C'est pas arrivé comme ça. Il y a eu des attaques au Kenya. Il y a eu des attaques en Tanzanie. Il y a eu une attaque contre un bateau au Yémen. Et puis il y a celle-là, il y a une espèce de montée, une espèce de progression qui fait que tout le monde a pensé spontanément à Ben Laden. Et la lumière, si j'ose dire, de cet événement dramatique, on a compris aussi à quel point l'existence d'Al-Qaïda, c'est un peu un péché originel des États-Unis également, car Al-Qaïda trouve ses racines dans le combat des Moudjahidines afghans contre l'invasion soviétique en Afghanistan. Et on a compris que les États-Unis avaient aidé ces Moudjahidines et que ça s'est retourné contre eux. En tout cas, une partie des gens qui ont été aidés par les États-Unis sont devenus Al-Qaïda. Ah ben, ils avaient fait plus qu'aider, ils les avaient financés, ils les avaient armés, ils les avaient entraînés. Je raconte dans mon livre et puis dans mon enquête cette étonnante histoire d'un colonel égyptien qui s'appelait Ali Mohamed, qui tout en travaillant pour les Bérets Verts, travaillait aussi pour Al-Qaïda et allait faire le coup de feu en Afghanistan, qui était d'une certaine manière serviteur de deux maîtres. Ce qui est le plus remarquable, c'est que non seulement ils les ont aidés, financés, armés, ils leur ont donné des armes mortelles qui leur ont permis de gagner la guerre, comme les missiles Stinger, qui sont toujours en train de chercher, parce que tous les missiles Stinger n'ont pas été usés contre les Russes, et il y en a toujours qui sont en activité, et les Américains les cherchent toujours. Mais ils ne savaient pas trop à qui donner ça. Parce que Ben Laden, moi j'ai rencontré des agents de la CIA et du FBI qui ont travaillé sur Ben Laden. En 1995, ils ne savaient pas qui c'était. Le nom de Ben Laden arrive en 1995, et il pensait que c'était un petit peu la fondation Ford du terrorisme. C'était un financier qui était là pour financer le terrorisme, mais il ne se doutait pas que c'était précisément la même personne qui avait été aidée et financée par la CIA dans les années 80 pour lutter contre les Russes. Alors, venons-en au cœur du sujet, au cœur du cœur de votre sujet, l'angle que vous abordez, qui est intéressant concernant le 11 septembre, dans votre livre. Vous posez des questions, vous n'affirmez rien, mais vous posez des questions qui font mal et qui impressionnent. Le 11 septembre, je résume, n'est pas un accident de l'histoire, il découle d'un enchaînement de circonstances, d'erreurs stratégiques, de décisions erronées, d'incompétences, de pesanteur bureaucratique. Que voulez-vous dire globalement? On ira dans les détails après. Alors, on peut prendre ça comme en reprenant l'histoire, une espèce d'histoire à pente douce, et commencer en 1978 où tout bascule. Moi, j'aime bien prendre cette image de quatre trains qui se précipitent vers un mur, comme les avions qui se précipitent vers les tours. Et à chaque fois, il y a des aiguillages. À chaque fois, on peut se servir de ces aiguillages pour détourner les trains, et pourtant, rien n'est fait. Rien n'est fait pour empêcher ces trains de se précipiter. Et en fait, historiquement, il y a des raisons. Ça commence en 1978 avec l'affaiblissement américain, avec l'affaiblissement saoudien, avec l'attaque de la Mecque, et puis avec l'invasion de l'Afghanistan par les Russes, ce qui est une espèce d'effondrement général et une résurgence de l'islamisme à ce moment-là. Et donc, c'est un petit peu, je dirais, le terreau où ça va se créer. Mais le désir en lui-même d'abattre ces deux tours, il remonte à 1993. C'est en 91 ou entre 91 et 93 qu'une organisation aux États-Unis, qu'une organisation islamiste dirigée par un cheikh aveugle, décide d'abattre ces deux tours parce que, tenez-vous bien, il pensait que tous les juifs de New York travaillaient dans ces deux tours. Et donc il se disait, en abattant ces deux tours, on va tuer tous les juifs de New York. Et à partir de 1993, depuis l'attentat contre les deux tours, eh bien ce groupe-là, qui va se reformer, ils vont être arrêtés, il y a d'autres gens, mais il y a des constantes, ce groupe-là n'aura de cesse que d'abattre ses tours et va finir par y arriver. Car il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier avec les islamistes d'Al-Qaïda, c'est que quand ils se sont fixés un objectif, ils n'en démordent pas. Oui, ils doivent y arriver. Bien, ils doivent y arriver, mais il existe ce qu'on appelle le contre-espionnage, la police, il existe donc le FBI et la CIA. Alors évidemment, par réflexe, on se dit, ils n'ont pas fait leur travail. Mais est-ce que c'est vrai et que s'est-il passé plus précisément quand même? Allons au-delà, ils n'ont pas fait leur travail, évidemment. Non, c'est pas, ils n'ont pas fait leur travail. Il y en a qui ont fait leur travail, il y en a qui n'ont pas bien fait leur travail. On va aller très vite sur 93. 93, la cellule du chèque aveugle qui préparait l'attentat contre les deux tours avait été infiltré par un agent du FBI qui était leur artificier, qui s'appelait Emad Salem, que je connais, je suis toujours en contact avec lui. Et cet Emad Salem s'est fâché avec le FBI parce que le FBI n'a pas respecté ses engagements. On lui avait dit qu'il n'aurait pas à témoigner et on lui a demandé de témoigner. On lui avait dit qu'il n'aurait pas à porter de micro, on lui a demandé de porter du micro. Donc lui, il est parti. Le FBI a dit, après tout, comme ils n'ont plus d'artificier, ils vont pas faire sauter les deux tours. Et ils se sont trompés. Ils ont fait venir quelqu'un qui s'appelait Ramzi Youssef, qui lui a failli faire s'effondrer les deux tours dans l'attentat de 93, mais surtout ce Ramzi Youssef part aux Philippines avec son oncle qui est Khaled Sheikh Mohamed pour mettre au point une série d'attaques contre les États-Unis, série d'attaques qui doit culminer avec les deux tours, précisément avec l'effondrement des deux tours. Nous sommes en 95, les services philippins découvrent ça, découvrent ce complot, ils veulent aussi tuer le pape, enfin c'est une histoire un peu à rebondissement. Les services philippins découvrent ce complot qui s'appelle Bojinka, communiquent tout ça à la CIA, et la CIA n'en fait strictement rien. Pourquoi? Donc ça, pourquoi? C'est complètement fou. Là, c'est un raté. C'est moins qu'on puisse dire, oui. Non, c'est un raté dans la mesure où ils y croient pas. Il y a des ratés beaucoup plus explicables et encore plus inquiétants dans la suite de cette histoire. Moi, je ne me l'explique pas. J'ai été voir les Philippins qui avaient transmis les disques durs aux gens de la CIA. Ils m'ont dit, ça semblait pas les intéresser trop. Ils avaient été arrêtés. Ils savaient pas trop quoi faire. L'attentat avait pas eu lieu. Et pourtant, il y avait des pilotes qui s'entraînaient déjà aux Philippines. Certains des pilotes disent les Philippins, on va les retrouver dans les attaques contre les World Trade Center, mais ça n'avait pas l'air de passionner la CIA à ce moment-là. Il faut se reporter en 95, le terrorisme islamiste, c'était pas vraiment encore dans l'objectif des Américains. Les Américains visaient plutôt le Hezbollah, visaient les chiites, bien entendu les Iraniens, mais les sunnites islamistes, c'était pas encore, ils avaient pas encore fait leur gros attentat. Donc c'est comme une erreur d'analyse, c'est une erreur d'analyse. C'est une énorme erreur d'analyse. Ce que je vous disais au début, en 95, les Américains pensent que Ben Laden, c'est la fondation forte du terrorisme qui sert à financer. Mais il y a un raté qui va être beaucoup, beaucoup plus grave et beaucoup plus inquiétant. Et c'est ce raté-là qui va amener directement au 11 septembre. Et ce raté commence en l'an 2000 parce que en l'an 2000, il y a deux des terroristes du 11 septembre qui arrivent aux États-Unis sous leur vrai nom, avec des visas, et ils sont surveillés par la CIA. Mmh. À partir de l'an 2000, la CIA les surveille. À l'intérieur de la cellule chargée de traquer Ben Laden, à la cellule de la CIA qui s'appelle Alex Station, il y a un agent du FBI, il y a deux agents du FBI d'ailleurs, qui tombent sur l'information qu'il y a deux agents de Al-Qaïda qui sont aux États-Unis. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont aux États-Unis. Les deux agents du FBI veulent tout de suite enquêter, veulent prévenir le FBI pour leur dire, attention, il y a deux terroristes qui sont là, on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais ils vont faire quelque chose. La CIA les en empêche. Et pendant un an, la CIA va tout faire pour que le FBI ne découvre pas la présence de ces deux terroristes aux États-Unis. Je vais même plus loin quand je dis deux terroristes. En fait, à un moment, on s'aperçoit que quand tous les terroristes sont aux États-Unis, États-Unis, eh bien, ils sont tous en contact les uns avec les autres à un moment. Donc, il y a un moment où la CIA savait que les terroristes étaient là. Ça ne veut pas ça veut dire que les attentats auraient pu être évités si le FBI avait été averti? Oui, bien entendu. La CIA et le FBI, c'est deux organisations différentes. Le but du FBI, c'est de suivre les gens, d'infiltrer les gens, mais de les arrêter et de les traîner devant les tribunaux. Le but de la CIA, c'est de manipuler, d'empêcher que les attentats soient faits, ou de laisser faire certains attentats pour arrêter d'autres personnes, pour monter d'autres opérations. Ce sont deux buts totalement différents. Si vous confiez la surveillance de ces deux terroristes au FBI, ça va se terminer devant les tribunaux. C'est ça. Si vous la confiez à la CIA, eh ben, ça s'est terminé par le 11 septembre. Ça ne veut pas dire que la CIA a organisé ou a laissé faire le 11 septembre. Je pense que la réalité est encore plus inquiétante que ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui leur a échappé. Ah oui. C'est pas la première fois que ça s'est passé dans l'histoire. Peut-être avait-il l'impression d'avoir recruté des agents, donc d'avoir des agents doubles, et qu'en fait ils avaient des agents triples, c'est-à-dire des agents qui étaient fidèles en fait à leur première cause, à Al-Qaïda. Et c'est sans doute ce qui s'est passé, et sans doute la CIA a-t-elle été manipulée par ses propres sources. C'est une des explications que mes sources m'ont donné à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas également, ce sont des hypothèses qui sont concrètes, hein, ce que vous nous dites, c'est étayé, c'est palpable, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus quelque chose de moins palpable, c'est-à-dire un état d'esprit américain, peut-être arrogant, on est, ça y est, les États-Unis, après la chute du mur de Berlin, c'est la première puissance, et bien elle a pu un rival comme elle avait avant. Est-ce que cette arrogance-là aurait pu générer une certaine baisse de la garde? Il y a de ça. Il y a le fait que, alors je vais peut-être caricaturer, mais vous prenez les États-Unis, c'est un pays qui a quoi, qui a 400 ans. Les pays arabes, ils ont plus de 1000 ans, ils ont inventé le zéro ou pas. Ce sont des pays qui sont quand même extrêmement sophistiqué, et vous prenez un jeune d'Al-Qaïda et vous le mettez face à un agent de la CIA, l'agent de la CIA fait pas le poids. Au niveau personnel, humain, intuitif, malin, streetwise, comme disent les Américains, démerde. Le gamin d'Al-Qaïda, il saura toujours se démerder. Le type de la CIA, il sait pas se démerder. C'est un bureaucrate, c'est un fonctionnaire, c'est un officier. Il va infiltrer, il va faire des... Il y a eu des opérations de reconnaissance, par exemple, en Thaïlande, des filatures qui sont effectuées. Les mecs, ils étaient en costard-cravate, quoi, pour faire une filature en plein de Bangkok. C'est comme ça que les terroristes les ont échappés. Donc, je dirais qu'ils ne font pas le poids. Et c'est pas le seul cas d'agent triple. Il y en a eu un encore plus fameux, le médecin jordanien qui s'est fait sauter à la base en Afghanistan, alors qu'il a fait venir tout la CIA d'Afghanistan qui était là pour qu'il parle et tout. Et puis il est arrivé, il a fait Allahu Akbar et il s'est fait sauter. Tout le monde pensait que c'était un agent double et c'était pas un agent double. Je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et moi, j'ai interviewé Richard Clark, qui était le conseiller pour la sécurité nationale de Clinton, et puis de Bush, hélas, pendant un très court temps. Et lui me dit que sur ces deux personnes qui étaient aux États-Unis, il y avait 50 fonctionnaires de la CIA qui étaient au courant de leur passage aux États-Unis. Ils savaient, il y avait 50 fonctionnaires qui étaient là et qui savaient et qui suivaient. 50 fonctionnaires, ça veut dire que c'est une très grosse opération. Et le plus fort n'était pas celui qu'on croit, la preuve. Fabrizio Calvi, je vous remercie infiniment pour ces éclairages que vous venez de nous apporter sur les causes possibles de cette catastrophe. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre 11 septembre, La contre-enquête, publié chez Fayard, et du film Les routes de la terreur, diffusé en deux parties sur Arte en 2011. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le 11 septembre 2001, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.